Monsieur Dame, un instant s'il vous plaît. Ah, un technicien arrive. Je sens qu'il a les choses en main. Ah oui, il se demande très très bien. Ah oui, monsieur. C'est ça. Monsieur, ce tableau là, c'est ça. C'est bon, tout marche, on peut enchaîner.